Ils viennent pas ici parce qu'il y a du boulot, ils viennent ici parce qu'il y a des facilités. Il y a les allocs, il y a la CEDIC, il y a le RSA, il y a tout. Et les gens viennent que pour ça. Et si, par exemple, il y a une personne qui dit « celui-là ne mérite pas », on va dire qu'il est raciste. C'est faux, il n'y a pas de racisme. En France, le racisme n'existe pas. J'ai dit « je vais parler de ces gens-là », on m'a dit « vas-y mec ». Ils parlent ici, t'es ok, mais sont les derniers à s'y mettre. Arrête, ne filme pas les skins maintenant que Marine est là. Ils disent avoir du nez mais t'étales si ta narine est large. Ces gens-là n'aiment pas le mix et je parle pas de David Guetta. Ils n'aiment pas le Qatar mais sans table de ce que t'as pu déclarer. Tu fais pas tes tailles sauf quand tu parles des chambres à gaz. On est tellement sur nos mobiles qu'ils pensent qu'on est des gens de passage. Face to face, là ils se battent sur la détresse des gens. Ils aimeraient que les traités changent, n'aiment pas que tu aies des dreads des champs. Dans l'étranger, prends nos tables, il faut que la France sévisse. Je remixe ces gens-là, prennent ce que les Français fuient. En temps de crise, on trinque et ces gens-là trinquent à la note, se victimisent et minimisent les propos d'Agaliano. Les ados adorent la pop et le rap, papy. Ils disent si le FN passe, ben on aura pas pire. Un état là, il comprend, y'a que l'islam qui gêne. T'aimes pas mes bons, une fois les faux, ils partiront à Sharm el Cheikh. Ils parlent d'insécurité du haut de leur zone pavillonnaire. Ils n'aiment pas le Derbouka, préfèrent Saint-Etienne Charlie Oleg. 98 est français quand la coupe est pleine. Ils veulent nous cadenasser, le crâne rasé devient la coupe FN. Ils disent l'immigré comme l'huissier, quand il repart, il te laisse rien. Ces gens-là ne se check pas, ils font des saluts hitlériens. Ils disent c'est rien, tu vas payer, mais le patron paie trop mal. Ils n'ont que du vent à vendre comme une pub de pétoman. C'est dommage, on le sait, t'as des valises, c'est pas que t'as dormi tard. Quand rien ne marche, ces gens démarchent à ArcelorMittal. Les râles qu'on hurle la nuit, donc place des pièges à loups. Ces gens-là sont bêtes, j'avoue, ils pensent et parlent comme Serge Ayou. Les râles qu'on hurle la nuit, donc place des pièges à loups. Ces gens-là sont bêtes, j'avoue, ils pensent et parlent comme Serge Ayou. Moi je dis, quand on habite en France, on se soumet aux lois de la France et on est déjà bien content qu'on soit accueilli dans un pays. S'ils sont pas contents, ils retournent chez eux. On n'a pas besoin de gens comme ça. C'était bon qu'à faire le ménage et ils veulent inverser les rôles. Ils rient du malheur des gens comme si la haine c'était drôle. Ils tirent sur la corde et je suis d'accord qu'il faut que ça casse à force. Ils disent des trucs débiles qu'on prise des vides comme la Castafiore. C'était bon qu'à faire le ménage et ils veulent inverser les rôles. Ils rient du malheur des gens comme si la haine c'était drôle. Ils tirent sur la corde et je suis d'accord qu'il faut que ça casse à force. Ils disent des trucs débiles qu'on prise des vides comme la Castafiore. Oh,